France Inter. C'est Frédéric Sigrist pour Blockbuster. La semaine dernière, vous étiez comblé avec John Wick. D'ailleurs, je suis allée regarder ce que c'était que John Wick. Cette semaine, avec Shazam, La Rage des Dieux, eh ben, on vous sent un peu plus dubitatif. Ah, Laetitia. Et vous tous, amis auditeurs et auditrices, si un jour vous ne vous sentez pas à la hauteur, que vous vous dites que vous ne méritez peut-être pas votre salaire, que vous êtes atteint par le syndrome de l'imposteur, souvenez-vous que quelque part sur cette même planète, quelqu'un a dépensé 100 millions de dollars pour qu'on fasse Shazam 2, La Rage des Dieux. Alors, c'est si mauvais que cela ? Ah non, Laetitia, la tarte aux concombres, c'est mauvais. Ah non. Shazam 2, c'est très mauvais. Je vais vous dire, le prochain film de super-héros que je vais voir, la veille, je file dans une manif écolo et je fais du twerk devant un CRS énervé. Avec un traumatisme crânien et un œil en moins, le film aura peut-être l'air meilleur. J'aurais jamais dû appeler mon émission Blockbuster. Ça brasse beaucoup trop large comme concept. J'aurais dû l'appeler Bon Film. Voilà, comme ça, au niveau mental, ça irait mieux. Alors attention, hein, j'aime beaucoup le personnage de Shazam en bande dessinée. Oui, parce que je suis pas en train de parler de l'application de téléphone qui permet de retrouver le titre d'une chanson à tenir. Parce que je te vois regarder ton téléphone là. Non, Shazam est un super-héros qui appartient depuis 1972 à DC Comics, la maison d'édition de Superman, Batman et Wonder Woman, mais qui est apparu en 1940 chez Fawcett Publications, une époque où il était plus populaire encore que Superman et où il s'appelait Captain Marvel. Ils ont été obligés de changer le nom, hein, on comprend pourquoi. La singularité de Shazam, c'est que derrière ce héros adulte au super-pouvoir proche de ce Superman se cache Billy Batson. Un enfant pauvre et abandonné, trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil, qui décide de partager les pouvoirs qu'un sorcier lui a confiés avec d'autres enfants qui vivent la même tragédie. Shazam, c'est des enfants de l'aide sociale à l'enfance qui peuvent se transformer par magie en super-héros et qui créent leur propre famille d'adoption. Mais ça, c'est génial comme concept! Quiconque a un jour été confronté à des questions d'enfants, à des colères ou des frustrations d'enfants, peut imaginer ce qui pourrait se passer s'ils avaient des super-pouvoirs. Pour un scénariste, logiquement, c'est le champ des possibles est énorme, au-dessus, c'est le soleil! Adapter ce personnage en film, c'est donner l'occasion, je sais pas moi, à un comédien de faire une performance d'acteur, jouer un enfant dans un corps d'adulte. On peut penser évidemment à Tom Hanks dans Big. Le problème dans Shazam, c'est qu'on n'a pas Tom Hanks. On a Zachary Levi, qui jouait Chuck dans la série du même nom pour les connaisseurs. En gros, imaginez, pour un déménagement, vous attendez Sébastien Chabal et c'est Pierre Niney qui débarque. On aurait pu imaginer que, mu par une envie de faire ses preuves et de faire éclater son talent à la face du monde, Zachary Levi aurait pu se concerter avec le jeune comédien qui joue Billy Batson enfant, afin d'interpréter la même chose avec de subtiles différences. Un jeune comédien nommé Archer Angel qui, lui, paradoxalement, amène une maturité et une gravité totalement absente du jeu de Zachary Levi. Le Shazam de Levi, dans ce numéro 2, c'est la version adulte d'un sale gosse hyperactif diagnostiqué HPI par ses parents tout seul, qui pratique l'éducation bienveillante même quand il fout le feu au chat et qui défèque sur la table. C'est insupportable. Si on ajoute tout l'aspect social des familles d'accueil évacuées aussi vite qu'un débat sur les retraites à l'Assemblée nationale, des effets spéciaux sur fond vert tellement laids, tu te demandes si les éboueurs parisiens qui ont repris le travail, ils peuvent pas passer dans la salle de cinéma pour ôter ça de l'écran. Une évocation de la mythologie grecque qui m'a fait de la peine. Je connaissais la Grèce antique, Shazam 2 nous propose la Grèce antoque. La grande... Ah bah oui, un petit jeu de mots comme ça, des deux bons matins. La grande Hélène Mirren, quand même, la reine de The Queen, de Stephen Frears, la fée Morgane d'Excalibur, de John Borman. À 77 ans, on lui fait jouer là-dedans. Voilà où ça mène le recul de l'âge légal du départ à la retraite. Lucy Liu, Rachel Zegler, autant d'actrices qui en veulent au fisc d'avoir des impôts à payer. Et je ne m'attarderai pas non plus sur la bataille des goûts en coulisses avec l'acteur The Rock qui joue Black Adam, l'ennemi de Shazam en BD mais qui a refusé d'apparaître ni dans le 1 ni dans le 2. On parle beaucoup de fatigue vis-à-vis des films de super-héros. Je vais vous dire, Laetitia, elle se dissipera le jour où les égos des studios et des acteurs cesseront d'être super fatigants. Merci Frédéric Sigrist. Et je signale que demain, vous jouerez votre spectacle super-héros au Centre culturel Athéna Ergué Gabrick dans le Finistère.